Personne bouge là si on en repart la pièce en rouge. Et la belle en rouge, vas-y bouge-moi ça, t'es pas ça. Tu veux que je range quoi ça? Noir question, je suis sous tension. Je suis sobre comme un gun vide, ivre comme un homme libre. Je lis entre les lignes et délivre pour mes pots de cuivre. Faut suivre et survivre dans cette jungle. Le délire c'est de jamais se plaindre, l'œil du tigre éclairé par l'absinthe. Et dire que le plaisir de détruire est plus fort que l'envie de construire. Man, t'as compris le délire. Pire pour un empire, tu trahirais ton pire ami, dont je guère proche mes pires ennemis. Dans cette pyramide, ce qui me guide, c'est ma weed et mon instinct. Je fonctionne dans l'instant. Être le plus rapide, man, ça sert à rien. Y'a pas de bon à rien, du coup je m'envole, je fais un bête aussi pour aérien. C'est pour les frères de la rue, c'est pour les frères de la rue. Bang bang, et mec y'a la police dans la vue. Bang bang, un cadavre était le kid dans la vue. Bang bang, encore une victime de nos crimes. Bang bang, des morts enterrés vite, pas d'amis. Bang bang, et mec y'a la police dans la vue. Bang bang, un cadavre était le kid dans la vue. Bang bang, encore une victime de nos crimes. Bang bang, des morts enterrés vite, pas d'amis. Si tu cites pas mon nom, connard, paniquer ta mère. J'fais du rap pour les gangsters qui ont les nerfs à la dollar. Tu peux pas aimer ce que j'fais si t'es plutôt. Moi j'apporte la 19ème parce que c'est la marque d'un foulard. Moi j'vais nulle part, la preuve j'suis partout. Mon atout c'est l'écouter et le rap de bâtard. Viens pas me chercher, c'est moi qui viens à toi. Toc toc, j'suis déjà là avec 2 minutes de retard. Tu joues les KRA mais t'as pas de gat, pas de gun, j'traduis pas de flingue. Sous mes fringues, un canon qui te pénètre en 5-5. T'as les oreilles en sang, le cerveau en cintre. Laisse des traces comme on sperme sur ton t-shirt. Si j'te heurte, c'est normal, man, car j'suis le phénix. Et j'ai pas mis de manix pour baiser le râle. Alors viens pas me faire la morale, un son qui tienne le trou de balle. Comme ce son de cymbale, dans ton size t'anal. T'inquiète, le rap n'a pas cher pour vous. Ok, j'suis pécard, à moi tout seul, j'suis du C4. J'viens exploser chez vous. J'arrive à fond la caisse pour cartonner ma jean 19. N'oublie pas, ça vient de chez nous. Un son pour les dollars, un presse pour Cambolard. Tu rigoles ou auto droite pour accompagner le molard. Mon rap est libre, aujourd'hui il respire. Il fait des pompes, il en a fait au Midar. Bang bang, les mecs y'a la police dans la vue. Bang bang, un cadavre était le king dans la vue. Bang bang, encore une victime de nos crimes. Bang bang, des morts enterrés vite, pas d'amis. Bang bang, les mecs y'a la police dans la vue. Bang bang, un cadavre était le king dans la vue. Bang bang, encore une victime de nos crimes. Bang bang, des morts enterrés vite.